Salut tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de Rétro Nouveau Solo. Hey, merci beaucoup pour les commentaires que vous m'avez donnés par rapport au premier épisode. Vraiment, c'est très apprécié. J'ai remarqué que vous avez pas mal tout aimé ça finalement. Fait que c'est génial. Ça me donne du jus pour continuer. Puis c'est ça, je voulais vous dire entre autres que je suis de retour sur Twitter. Je suis on and off de Twitter parce qu'en fait, j'ai été là-dessus pendant un bon moment. Puis ça marchait au bout. J'ai bien des followers sur Twitter. Sauf que à un moment donné, je sais pas, je trouvais que c'était comme il se passait plus rien sur Twitter. Tout ça. Fait que c'est ça, de toute façon, je suis revenu. Si jamais vous voulez me rejoindre là-dessus, c'est @BrunoGeorget. Fait que c'est ça. Puis j'ai reçu énormément de sujets pour le show de ce soir. Fait que c'est ça, ça va être un mélange des sujets que vous m'avez envoyés parce que vous m'en avez envoyé quand même pas mal, ils sont assez intéressants. Puis aussi, je vais parler des sorties de jeux qu'il va y avoir en novembre. Et puis aussi, je vais vous dire à quoi je joue présentement, ainsi qu'une petite critique surprise d'un jeu auquel j'ai joué récemment, qui n'était pas dans Rétro Nouveau. Donc c'est ça, pour commencer, je voulais faire un survol des sorties du mois. Ça c'est quelque chose que je trouvais bien intéressant en fait. Quand on était dans Rétro Nouveau TV, j'avais parti quelque chose avec Jean-François Cron où on faisait en fait, c'était comme une espèce de grande bande-annonce de toutes les sorties de jeux qu'il y avait dans le mois. Je trouvais ça bien intéressant, c'est tout le temps... T'aimes ça savoir qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, puis à quoi tu vas pouvoir jouer. Fait que c'est ça, fait que je voulais ramener ça un petit peu d'une certaine façon dans Rétro Nouveau Solo, comme on n'a pas vraiment le temps de le faire dans Rétro Nouveau. Donc alors voici, en novembre, le 3 novembre, il va sortir Call of Duty World War II, qui est quand même assez attendu. First Person Shooter qui revient aux sources. Il va sortir .hack GU Last Recode, Steven Universe Save the Light pour Xbox One. Après ça, le 7 novembre, il va sortir Sonic Forces. Sonic Forces, j'ai appris aujourd'hui que Famitsu y avait donné 35 sur 40. C'est vraiment une bonne note, sérieusement. Puis ça a l'air que même Sonic Forces, en fait, il envoie pas de code aux médias comme c'est là à cause qu'il y aurait un patch qui sortait le jour de la sortie du jeu. Puis là, présentement, le jeu, comme il est là, il est comme... Il est pas comme Sega veut qu'il soit. Tout le monde s'attend vraiment à un jeu assez poche pour Sonic Forces. Mais finalement, d'après le score de Famitsu, ça me donne l'impression qu'on va avoir une méchante surprise à laquelle on s'attend pas. Fait qu'en tout cas, on attend ça, Sonic Forces. Ça va sortir sur Switch. Je sais pas si ça sort sur un autre système. Ah oui, c'est ça. Ça sort sur Switch, PS4, Xbox One et PC quand même le 7 novembre. Donc ça, c'est vraiment le fun. Le 7 aussi, ils sortent l'expansion qui va être un standalone également pour Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds. Ils ont même créé des nouvelles bêtes pour le jeu, donc ça c'est quand même cool. Le 10, il va sortir Doom pour la Switch, donc c'est quand même quelque chose de nouveau. D'ailleurs, dans les questions que j'ai reçues, on me demandait c'est quoi les jeux que j'attends le plus. Doom pour la Switch en fait partie quand même, j'ai vraiment hâte. Sonic Forces aussi, j'ai très hâte. Le 10 également, il y a Mario Party de Top 100 qui sort sur la 3DS. Tout le monde se pose la question, un Mario Party sur 3DS, encore une fois, Top 100, tout le monde le voulait sur Switch, mais peut-être que Nintendo va nous montrer que sur 3DS, c'est vraiment malade, donc on attend de voir ça. Le 10 également, il sort Need for Speed Payback. Moi, je suis un énorme fan de Need for Speed, j'adore ça. Je sais qu'ils ont eu leur haut puis leur bas Need for Speed. Mon dernier préféré, c'était Need for Speed Rivals. Je joue encore à ce jeu-là, je le trouve vraiment génial. C'est ça, c'est une bonne série Need for Speed, je trouve que c'est bien fait. J'aime beaucoup le driving dans ce jeu-là. Je suis un gars qui aime... J'aime beaucoup les jeux de course de type arcade. Je suis plus arcade que simulation. J'ai fait de la simulation plus jeune, là, étant... au début, hein, en fait, peut-être quand j'avais 18 ans à peu près, je pense jouer à Gran Turismo, puis... J'aimais bien ça, mais Colin, j'avais de la misère. Puis plus tard, le plus récemment, ça a été Forza, mon coup de cœur. Mais Need for Speed, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. J'ai bien hâte de voir un côté cinématique qui ont travaillé là-dedans, qui m'intéresse bien gros. Après ça, le 14 novembre, on a Rime qui arrive enfin pour la Switch. Puis ça a l'air qu'ils ont travaillé le jeu sans relâche pour le sortir sur la Switch. J'espère que le jeu a été amélioré, en fait. Il y avait pas eu des... Ben, il y avait eu des bonnes notes, mais c'était des notes quand même moyennes. Là. C'était comme un 75%, ce qui est une bonne note, mais il y avait des choses qui que les gens n'aimaient pas tant que ça. Moi, je suis resté loin, en fait, de Rime tout le long. Parce qu'il est sorti à un moment où il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient. Puis je me suis dit, bon, j'irai le voir plus tard quand il va sortir sur la Switch. Comme ça, je pourrai jouer à la meilleure version. Parce que ça donne l'impression que, bon, il travaille tellement que ça va être la meilleure version. Yooka-Laylee, je me souviens plus. C'est un peu le même principe aussi. Il travaille vraiment fort pour que la version qui va sortir sur Switch, là, ça soit vraiment... La top version. Je trouve ça plate un peu quand même pour les autres consoles parce que je veux dire, tu sais, tu sors un jeu, sors là pour que ça marche, mais c'est quand même bien qu'ils se reprennent pour les versions qui sortent par la suite, puis bon, ils sortiront sûrement des patchs pour les autres. Après ça, le 14 aussi, grosse sortie qui est pourtant une réédition, Elle est Noire. Elle est Noire, ça va sortir sur PS4, sur Xbox, mais aussi sur Switch. Puis le jeu sort en 4K également, pas sur Switch évidemment, mais ça sort sur, c'est ça, PS4 Pro, Xbox One X, quand même assez fou, assez intéressant là, que ça sorte. Moi, Elle est Noire, j'avais vraiment aimé ça quand c'était sorti, mais à un moment donné, le jeu m'a complètement perdu avec les investigations et tout le kit. À un moment donné, j'ai juste, je sais pas, j'ai décroché, je devais avoir trop de choses à jouer, puis... c'était long, c'était pas un jeu que je critiquais non plus à Monsieur Net, donc quand même c'est sûr que ça fait une différence quand t'as des jeux à critiquer sans arrêt à chaque semaine, ça change ton rythme de gaming. Après ça, le 14, il y a Lego Marvel Super Heroes 2 qui va sortir sur PS4, Xbox puis Switch. Vraiment, ce jeu-là, je l'attends avec impatience. Parce que le premier, moi puis mes enfants, on joue à ça encore maintenant. On l'adore, c'est vraiment un super bon jeu. Moi, c'est un de mes meilleurs jeux Lego. Puis qui aime pas les super-héros? Puis moi, je suis un gars de Marvel, je suis pas un gars de DC. DC, j'aime Batman. J'aime quelques personnages. J'aime... Qui c'est que j'aime sur DC? J'aime pas tant de personnages que ça sur DC. Non, je suis vraiment un gars de Marvel. En fait, je pense qu'il y a bien du monde qui sont du monde de Marvel, mais c'est ça. Lego Marvel Super Heroes 2, bien hâte que ça sorte le 14. Le 17, il va y avoir Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon sur 3DS. Ça, j'ai très hâte d'y jouer. D'ailleurs, Nintendo va me faire parvenir une copie pour que je puisse faire la critique au prochain épisode de Rétro Nouveau Solo. Donc ça va être une première. Je vais faire une critique à Rétro Nouveau Solo. Ce soir, je vais vous en faire une petite, mais elle ne sera pas vraiment formelle. C'est quelque chose que j'ai joué rapidement. Tandis que Pokémon Ultra Moon and Sun, ça va être une grosse critique complète. Le 17 également, Star Wars Battlefront 2 pour PS4, Xbox et PC. Ça quand même... c'est assez attendu, merci. Si tu sais pas c'est quoi, t'es en dessous d'une roche. Ça a l'air que c'est absolument hallucinant. Jean-François Chrome arrête pas de me parler des feuilles. Puis ça a l'air vraiment bon. Moi, le premier, je l'ai eu, je l'ai acheté, j'ai joué. Je suis pas un gars d'online tant que ça. Mais j'ai vraiment aimé l'univers, puis les maps, puis les personnages, tout ça. Le soin qui a été pris à respecter la série. Là, dans le deuxième, ça a l'air de juste se rendre plus loin. Puis j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait une campagne là-dedans. Même si la campagne, on a dit, je pense qu'il disait que la campagne a duré 6 heures ou 7 heures. Moi, une campagne de 6 heures, 7 heures, c'est parfait pour moi. J'ai deux enfants, j'ai plein de jeux à jouer. C'est parfait. Fait que j'ai bien hâte de jouer à ça. Le 17 également, Skyrim sur la Switch. Ça, c'est quand même quelque chose parce que Skyrim est à peu près sorti sur n'importe quoi jusqu'à maintenant. C'est comme Minecraft en fait. Là, il est sorti partout, mais là, sur la Switch, c'est toute une surprise quand même. Là. Ben là, c'est plus une surprise à ce stade-ci, mais ça va être bien intéressant de voir le jeu rendu là-dessus. Puis en plus de tout ça, ça a l'air qu'il roule bien puis que tout est bien fantastique. En plus, tu peux jouer avec Link. Moi, j'ai pas touché trop à Skyrim. C'est pas exactement mon genre de jeu. Mais ça se peut que là, je me laisse tenter parce que, Colin, la Switch, c'est le fun. Amener ta machine partout puis un gros jeu de même, c'est quand même intéressant. Ça va être le premier de son genre sur la Switch. Après ça, le 17, t'as The Sims 4 sur PS4 et Xbox. Je pensais tellement pas être intéressé à ça, mais ma fille joue à The Sims. Elle joue à des vieux The Sims sur mon ordinateur. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, Colin, c'est vrai que c'est le fun, The Sims. Je m'ennuie de ça, mais j'ai joué à ça au secondaire. J'avais du fun quand même à me créer une vie dans The Sims. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Le 28, il y a deux jeux d'horreur qui vont sortir. Il y a Resident Evil Revelations qui va sortir pour la Switch. En fait, ils vont sortir une collection des Revelations. Fait que c'est ça, encore une fois, Capcom qui ressort et ressort du stock pour tester le territoire sur la, sur la Switch. Là, ils vont avec une collection de Resident Evil. La dernière fois, c'était Street Fighter, qui a quand même très, très bien fonctionné, qui est pourtant un Street Fighter overpriced. Mais ça a eu un succès sur la Switch, donc ça veut dire quelque chose. Les gens le veulent, les gens veulent jouer sur cette machine-là. Après ça, il y a Black Mirror qui est sur PS4 et Xbox. Et ce jeu-là semble être un vieux jeu point and click de 2003 qui a été refait, réimaginé pour les consoles next-gen. Ça va sortir sur Steam également. Et j'ai bien hâte de voir ça. Il avait l'air intéressant le jeu quand même. Donc, c'est ça. Ça, c'est les sorties du mois. Encore une fois, un mois très bien rempli quand même. T'sais, on disait qu'octobre, c'était comme le meilleur mois du gaming ever. Je pense que c'est vrai, sauf que novembre semble pas arrêter encore avant les fêtes. On a bien du stock à essayer, bien du stock à jouer. Fait que c'est fantastique! Après ça, je vais regarder. Je vais aller regarder des sujets qu'on m'a envoyés. Il y a Jean-Michel Racine qui me dit « J'aime quand vous parlez de paternité et de gaming. C'est un peu vague comme sujet, mais ça me rejoint. » Puis après ça, il y a Julien Leroux-Garou qui me dit « Quel jeu tu couch co-op avec tes enfants? » Donc, je trouvais que les deux sujets se rejoignaient bien quand même. Parler de paternité gaming, écoute, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Juste tantôt, j'étais avec mes deux enfants. Puis le soir, tu sais, c'est ça, j'essaie de couper le jeu, les téléphones, les écrans bleus. J'essaie de couper ça pour eux autres le soir. Ils peuvent écouter la télé un peu, mais pas de jeux vidéo. Sauf que là, ils voulaient me regarder jouer à Mario Odyssey. Fait que comment dire non? Fait que c'est ça. J'ai joué à Mario Odyssey. Ma fille m'a mis ma calotte de Super Mario Odyssey sur la tête. Puis ils m'ont checké faire un tableau. Fait que c'était bien le fun. Puis sinon, on joue beaucoup, moi et mes enfants, surtout la fin de semaine, en fait, on va jouer un jeu qui se joue à 2, à 3. Les jeux à 3 et à 4, c'est tellement rare, là, c'est vraiment difficile d'en trouver. Mais ça existe, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis justement, les jeux que je cache co-op avec mes enfants, eh bien, comme j'ai dit tantôt, Lego Marvel Super Heroes, c'est probablement le favori depuis un bon bout de temps. Super Mario 3D World aussi, on a joué énormément à ça. Le fait de pouvoir jouer à 4, évidemment, aide beaucoup. On peut jouer tout le monde ensemble, fait qu'on a bien du fun. Il y a Lovers in a Dangerous Space-Time aussi, qu'on a joué pas mal. Ça, c'est, on joue à ça sur la PS4, ça se retrouve sur Steam et sur Xbox aussi. Je pense qu'il est sorti sur la Switch, ou il va sortir. C'est ça, nous autres on y joue sur PS4, puis on a vraiment du fun. Si jamais vous avez jamais joué à ce jeu là en fait, tu contrôles un vaisseau, puis tu le contrôles avec 4 personnages différents. Fait que là, tu sais, faut que quelqu'un contrôle la vitesse, l'alignement, tout ça. Faut que tu contrôles où est-ce que le vaisseau va. Il y en a un autre qui contrôle un shield qui va justement te protéger contre les tirs des ennemis. Il y en a un autre qui va tirer une espèce de gros canon. Il y en a un autre qui va tirer. Donc, tu sais, c'est ça, à l'intérieur de ton vaisseau, tu te promènes, puis là, tu t'en vas prendre des commandes de d'autres choses. Puis tu peux même aller voir un de tes amis qui joue avec toi, puis le tapocher pour prendre sa place. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu dans lequel il faut coopérer sans arrêt. Fait que ça, c'est quand même le fun. C'est un jeu qui va devenir assez difficile assez rapidement, par exemple. Fait que, tu sais, je joue avec mes enfants, mais disons qu'avec mes enfants, je suis pas rendu loin. Puis avec mes chums, je suis rendu beaucoup, beaucoup plus loin. Mais c'est un jeu qui en donne pas mal, puis qui est vraiment le fun, qui a l'air très, très bébé quand tu le regardes. Mais c'est hardcore, là. C'est un jeu qui est quand même assez, assez difficile, mais qui est le fun pour les enfants au départ. Après ça, il y a Rayman Legends, auquel on joue beaucoup. Ça, on joue à 3, tu peux jouer à 4 dans Rayman Legends, fait que c'est quand même assez le fun. Un autre jeu qui est quand même assez, qui demande un bon défi quand même, puis qui demande de la coopération, mais le monde est tellement beau là-dedans, c'est dessiné à la main, c'est superbe. Puis il y a énormément de tableaux, il y a énormément de choses à débarrer, donc ça, encore une fois, on n'a toujours pas fini. Puis des fois, il y a ça aussi, tu joues à un jeu avec tes enfants ou tu joues à un jeu avec un chum, puis tu t'arrêtes ta game quand tu joues plus avec cette personne-là, tu sais, puis tu vas rejouer quand tu vas revoir cette personne-là. Ou quand c'est avec tes enfants, tu sais, comme, ah non, je peux pas continuer la game, crime, je vais le faire avec eux autres, c'est bien trop plate pour eux autres. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a de ces jeux-là, moi, que je me réserve pour moi et mes enfants. Sinon, j'en ai deux autres dont je voulais parler. Il y a Trials Fusion, que j'avais critiqué. Je me souviens plus si c'était à Monsieur Net ou à Rétro Nouveau. Et ça fait un bon bout de temps que j'ai critiqué ça, Trials Fusion. Ça, c'est comme, dans le fond, Trials HD. Mais Fusion est allé beaucoup, beaucoup plus loin. Vraiment, vraiment bon jeu d'Ubisoft. Puis il y a eu énormément de matériel par la suite. Il y a eu des extensions, tout ça. Mais ça, écoute, juste moi puis mes enfants jouer à ça, juste rouler puis péter à gueule sur le sur le terrain, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est comme le Excite Bike qu'on n'a pas. C'est pratiquement ça, Trials Fusion. Surtout quand tu joues en multijoueur, là, c'est pratiquement la même affaire. Et sinon, un dernier qu'on aime beaucoup, c'est Toto Temple Deluxe. Dans Toto Temple Deluxe, t'as quatre personnages qui peuvent dasher. Fait qu'ils peuvent se promener un peu n'importe où, mais ils peuvent dasher en haut, en bas, à gauche puis à droite. Puis il faut que tu ramasses une chèvre sacrée. Fait que la personne qui a la chèvre, faut qu'elle sauve puis qu'elle tienne la chèvre le plus longtemps. Pardon. C'est un capture de flag dans le fond, mais dans un tableau à un écran. Puis il y a évidemment il y a des trappes dans le tableau puis tout ça. C'est cartoony, c'est super cute puis drôle. Il y a d'autres modes de jeu dans ce jeu-là aussi, un mode avec des bombes puis tout ça. Mais sérieusement, avec vos enfants ou avec des chums, vous allez avoir vraiment du fun avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est facile. C'est un pick and play, là, sérieusement. Là, tu le prends, tu joues à ça, t'as énormément de fun. Fait que ça, on joue à ça, puis on trippe. C'est vraiment un super bon jeu. Puis sinon, ben, mes enfants et moi, on adore jouer au jeu d'arcade des Simpsons. Il l'a sur Xbox 360 puis sur PS3. Puis c'est ça, on joue à ça puis on a du fun au bout. Tu peux jouer à 4, fait que c'est quand même assez pratique. Petite gorgée, TM. Ah, ça fait du bien. Donc, après ça, il y a Pierre-Alexandre Audet qui m'a dit les jeux qui ont passé de 2D à 3D avec succès. Eh bien ça, je vais le préparer de fond en comble et puis je vais en parler au prochain épisode parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui mérite développement. Fait que je vais préparer un petit dossier bien ficelé, comme le dirait Fred Jému. Après ça, il y a Danny Matteau qui dit « Comment tu planifies tes achats? T'as-tu un budget mensuel selon les sorties, les échanges de jeux? » Ben c'est ça, comment je planifie mes achats? En fait, moi, pour les achats, ben, il y a un mix. En critique, souvent, les jeux que je fais à Rétro Nouveau, j'ai justement des contacts avec les compagnies de jeux qui nous envoient les jeux pour qu'on puisse les critiquer. Donc, moi, il y a un côté que c'est ça. Sinon, il y a un autre côté aussi que c'est selon les sorties. Moi, des fois, je vois un jeu qui m'intéresse, puis bon, je finis par l'acheter. Mais je suis comme tout le monde, j'ai un budget. Il y a des mois où j'achète presque pas de jeux, où j'achète juste des jeux en spécial. Il y a des mois où j'achète deux gros jeux. Je suis aussi un gars qui loue beaucoup. En fait, la location, on dirait que les gens y croient pas, mais ça existe. Puis, tu sais, il y a encore les Vidéotron, là, tu sais, le Super Club Vidéotron, le Microplay. C'est quelque chose qui existe encore. Puis, sérieusement, tu sais, si t'es quelqu'un qui a un budget serré, une campagne de 6-7 heures, justement, quand tu le loues, m'a de dire, ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout, puis c'est bien agréable, puis souvent, t'apprécies le jeu à sa juste valeur, pas à cause qu'il vient de te coûter cher, puis t'es frustré parce que t'as pas assez de contenu. T'sais, ça dépend aussi du type de gamer que t'es, la location. T'sais, moi, je juge chaque jeu selon le fun que j'ai, puis la façon qui a été faite, les bugs, tout ça, mais au final, t'sais, est-ce que c'est le fun ou non? Après ça, combien de temps il dure? Ça me dérange pas tellement, ben franchement. Fait que c'est ça. Moi, je loue beaucoup aussi. Il y a aussi les spéciaux. Sur PS4, je suis abonné à PlayStation Plus. Puis disons que les rabais sont assez intéressants la plupart du temps. Tu sais, t'attends les ventes, en fait. Là, il y a des ventes PlayStation Blog. Si vous connaissez pas le lien, blog.us.playstation.com. Ça là-dessus, tu y vas puis tu surveilles les ventes. En fait, le PlayStation, c'est le mardi que ça update. Puis le mardi, tu as tout le temps des ventes pour le PlayStation Plus, puis aussi pour les non-membres. Il y a tout le temps des ventes là-dessus. En fait, Sony est comme un peu rendu comme le Steam 2. T'sais, Steam a encore les rabais les plus malades, mais PlayStation est quand même, ça commence, il commence à être en arrière puis à se rendre, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je regarde les spéciaux tout simplement, puis des fois même j'achète en prévision. Là, genre je regarde un jeu puis je fais comme oh boy, il est vraiment pas cher, puis ça me tente de jouer depuis un méchant bout. Fait que je l'achète, tu sais. Comme là j'ai acheté il y a un bon bout de temps quand même. il y a un mois je pense j'ai acheté Colin, j'ai un blanc, j'ai acheté le jeu. Voyons, Colin. Nier Automata. J'ai acheté Nier Automata. Il était en vente. Genre, il était comme 30$ de moins. Fait que je l'ai acheté. Puis je suis super content de mon achat. Mais j'ai pu jouer genre 2 heures. Fait que c'est un jeu que je me promets de faire d'ici la fin de l'année. Puis je sais que le jeu est incroyable. Tout le monde m'en parle en bien. Fait que c'est ça. Il y a des jeux de même que je trouve qui sont vraiment importants. Puis que je veux jouer au complet. Aussi, il y a Mafia 3. Je l'avais commencé. Puis je ne l'ai pas fini. Puis j'aimerais ça le terminer. Puis là, j'ai vu qu'il est en vente présentement. Donc, je vais sauter sur l'occasion. Puis je vais l'acheter. Parce que des fois, il y a ça aussi. Dès qu'un jeu sort, évidemment, il coûte très cher. Puis c'est très cher. On s'entend. Là, ça dépend de toi. Mais tu sais, 79,99 plus les taxes, ça fait un jeu de 90$. Donc, c'est quand même un bon montant dépendant du budget que t'as, puis dépendant du type de contenu auquel tu t'attends. Mais c'est ça, tu sais. Fait que quand t'attends, évidemment, les jeux deviennent moins chers. Tu sais, comme entre autres, mon comparse de Rétro Nouveau et vieux chum Dominique Bourret, lui, il attend tellement longtemps. Que quand c'est rendu le moment qu'ils achètent les jeux, ils sont dans bin au Pharmaprix, puis ça coûte vraiment pas cher. Fait qu'il y a ça aussi qui est génial, si t'es capable d'attendre puis de pas acheter un jeu à la sortie, t'es gagnant. Moi, dans le fond, c'est parce que j'ai un problème. J'ai besoin de jouer à qu'est-ce qui sort là, tout de suite. Là, j'étais un accro à la nouveauté. Je fais de même. Fait que c'est ça. Fait que bon, je m'en vais acheter les jeux à la sortie souvent. Sinon, j'aime beaucoup Steam. Steam, évidemment, et ses Steam Sales qui sont assez incroyables. Ça, écoute, tu sauves de l'argent comme ça n'a pas de bon sens. Puis il y a tellement des bons deals là-dessus. Fait que si t'as un bon PC, même un bon Mac, parce que moi aussi, je joue sur Mac. Mais non, c'est ça. Sur Steam, il y a vraiment des très, très bons deals. Fait que C'est ça. Je planifie mes achats comme tout le monde, puis aussi des mois où j'achète du gear au lieu d'acheter des jeux. Si j'ai comme des jeux plus longs à jouer ou à critiquer, ben là j'achète du gear, tu sais. Fait que c'est ça. T'sais, dernièrement, je me suis acheté une manette, une Pro Controller pour la Switch parce que j'en avais toujours pas. J'étais correct avec ce que j'avais en fait, puis je trouvais ça correct. Mais là, finalement, je me suis dit bon, ben, c'est là que je l'achète. Fait que c'est ça. Des fois, je m'achète du gear, je m'achète une manette parce qu'une manette maintenant, c'est ça, c'est le prix d'un jeu. Fait que c'est un pensez-y bien. Gorgé. Donc. Aussi, je voulais dire, ces temps-ci, je joue à quoi? Ces temps-ci, je joue à Assassin's Creed Origins, entre autres. Je suis en train de préparer la critique pour le prochain épisode de Rétro Nouveau. Puis c'est un jeu qui est gigantesque, sérieusement. Là, c'est vraiment énorme, cet univers-là. Puis, t'sais, jusqu'à date, j'ai quand même beaucoup de bien à dire de ce jeu-là. J'ai du fun. Je trouve que l'Égypte est un setup incroyable pour un jeu d'assassin. Puis moi, c'est une licence que j'avais un peu laissée de côté. J'étais revenu un peu, j'avais regardé Syndicate, je trouvais ça bien, mais je sais pas, il y a de quoi qui colle pas, tu sais. Puis j'ai le Assassin's Creed 2, c'est vraiment un jeu que j'ai aimé. Puis par la suite, j'ai eu bien de la misère avec les contrôles. Puis des fois, j'avais de la misère aussi avec l'histoire. Puis j'ai joué à Black Flag, je l'ai fait quasiment au complet. Tu sais, c'est un jeu que j'ai aimé. Sauf que j'ai trouvé quand même que c'était long. Fait que des fois, j'ai fini par décrocher. Mais tu sais, c'est toujours une série que j'ai regardée quand même. Parce que c'est ça. Ça fait aussi partie de notre histoire. C'est quand même Ubisoft Montréal qui travaille là-dessus. Puis il travaille fort là-dessus, mais je pense que le fait d'avoir pris une pause a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est ça, j'ai bien hâte de vous parler d'Origins, donc je joue à ça, je joue vraiment beaucoup à ça. C'est un gros jeu. Sinon, évidemment, je joue à Super Mario Odyssey, qui est sorti pour la Switch il y a une semaine environ. Puis c'est ça, Super Mario Odyssey, que dire pour ne pas spoiler ma critique, c'est vraiment un excellent jeu. C'est vraiment c'est comme le gap parfait entre Super Mario 64 et Mario Galaxy. Puis moi, 64, j'ai toujours eu de la misère avec parce que la 64, j'ai de la misère avec la manette. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment. J'ai mieux aimé Mario 64 sur la DS que sur la 64. Je sais que c'est vraiment pas une opinion populaire, mais c'est pas grave. C'est comme ça, mais j'aimais quand même l'idée de l'exploration puis des hubs dans 64. Puis c'est quand même le jeu qui a donné... qui a pavé le chemin pour d'autres Mario. Donc ça, c'est le fun. Puis il y a aussi eu Sunshine qui était bien, mais Sunshine avait quelque chose de... C'est comme le weirdo des Mario, en fait. Puis c'est ça. Mais Super Mario Odyssey, bref, c'est pas le jeu auquel je m'attendais. Pas en tout, sérieusement. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Ils m'ont vraiment surpris avec ce jeu-là. Puis je trouve que... On sent l'inspiration de Zelda Breath of the Wild dans Mario Odyssey. Il y a un lien entre ces deux-là, je pense, qui est indéniable. Puis tu le vois là-dedans. Puis c'est un jeu qui est quand même assez gros aussi, mais qui paraît petit. Quand tu joues à ce jeu-là, t'as pas l'impression que c'est un gros jeu. T'as l'impression que c'est vraiment une expérience qui durera pas longtemps. Puis finalement, c'est quelque chose de très gros. Le jeu s'ouvre devant toi, puis il y a des endroits qui s'ouvrent à toi aussi. Puis le personnage secondaire, Capi, qui est avec toi, est vraiment intéressant. Puis ils ont changé, encore une fois, ils ont évolué tout ce qu'on connaît de Mario. Puis c'est vraiment incroyable. Bref, critique complète au prochain épisode de Rétro Nouveau. Et puis sinon, je vais vous parler rapidement de Jackbox Party Pack 4. J'ai acheté ça récemment parce que moi et mes amis, on est vraiment des maniaques de Jackbox Party. Si vous ne connaissez pas les Jackbox Party, en fait, c'est des jeux que vous pouvez acheter, mettre sur votre console, votre PS4, votre Xbox One ou même votre Switch maintenant. Puis c'est ça, c'est un paquet de jeux en fait. Puis c'est des jeux qui se jouent avec votre cellulaire. Donc quand vous êtes avec des gens dans un party ou une soirée, puis que vous voulez jouer à des jeux vidéo, mais que ces gens-là ne sont pas gamers, eh bien ils vont aimer Jackbox Party. Puis là-dedans, il y a 5 jeux dans le Party Pack 4. Il y a Fibbage 3 qui joue de 2 à 8 joueurs. Ça, en fait, c'est un jeu où tu as des phrases qui apparaissent à l'écran. À noter en passant que le jeu est seulement en anglais, il n'est pas en français. Puis c'est ça, tu as des phrases qui sont à l'écran, c'est comme des espèces de fun facts, puis tu as un mot qui n'est pas là. Puis il faut que tu essayes de deviner le mot, mais en fait, il faut que tu écrives quelque chose qui serait plausible, mais qui n'est pas nécessairement la vérité. Puis si tu arrives à tromper tes amis, admettons qu'ils disent justement, je sais pas moi, la plus haute tour du monde se trouve à, puis là toi t'écris Terrebonne. Puis là, il y a quelqu'un qui prend la réponse Terrebonne, ben il a perdu. Puis après ça, tu vois c'était quoi la vérité, puis bon, la personne gagne. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment le fun. Puis les gens inscrivent leur réponse à l'aide de leur téléphone. Il y a aussi Survive the Internet qui est de 3 à 8 joueurs. Ça, c'est comme des espèces de commentaires sur Internet. Celui-là, on a joué rapidement, mais c'était pas super évident. Mais c'est ça, c'était drôle. Ça jouait avec justement les memes d'Internet puis des expressions qu'il y a sur le web et tout ça. Donc, il y avait quelque chose d'intéressant avec ça, mais j'ai pas joué assez pour en parler trop. Monster Seeking Monster, c'est comme un espèce de jeu de dating qui joue de 3 à 7 joueurs où tu dates des personnes qui sont, dans le fond, les gens qui sont avec toi, tu sais pas qui est qui. Puis là, tu chattes avec cette personne-là à partir de ton téléphone. Puis après ça, tu vas décider si tu dates ou non cette personne-là, puis l'autre personne va décider si elle refuse ou non. Là, tu peux être refusé, tu peux la dater, mais aussi, ce qui arrive, c'est que plus ça avance, plus l'identité réelle de cette personne-là t'est dévoilée. Fait que là, après ça, tu sais, comme moi, mettons, j'étais l'homme invisible. Fait que là, j'avais des choses que je pouvais pas faire, que je pouvais pas dire. Bref, c'était pas pire. Fait que c'est ça, c'était pas le meilleur à date. Je pense Survive the Internet, j'ai préféré, même si j'ai comme plus ou moins compris. Après ça, il y a Bracketeering qui joue de 3 à 16 joueurs. Puis là-dedans, t'as comme des espèces de braquettes, un peu comme les espèces de lignes qui se rendent jusqu'à un point central, admettons comme dans une finale de hockey ou whatever. Puis là, tu décides de... Il y a quelqu'un qui te pose une question sur ton téléphone, puis tu y réponds. Puis après ça, dans le fond, tu t'inscris ta réponse, puis c'est une réponse contre une autre réponse. Là, le monde vote. Là, cette réponse-là va au prochain niveau. Après ça, va au prochain niveau, prochain niveau, prochain niveau. Puis la twist là-dedans, c'est que il te pose une question, puis là, toi, tu réponds. Mais après ça, il change la question. Fait que là, ça a l'air niaiseux. Finalement, ta réponse a l'air niaiseuse, puis c'est super drôle. Fait que c'est ça, ils jouent un peu aussi avec ça pour déconner. Après ça, t'as Civic Doodle, qui est dans le fond des murales. Fait que ça, c'est de 3 à 8 joueurs. Puis ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il y a le maire d'une ville qui dit « Ah, on a cette murale-là, puis il y a un petit graffiti. » Puis le graffiti, c'est juste comme un bout de graffiti comme tel. Mettons, je sais pas moi, ça a l'air d'un L. Puis il dit « Arrangez-moi donc ça pour que ça aide l'allure, ce graffiti-là. » Puis là, toi, tu complètes le graffiti, en fait. Puis tu vas le compléter au complet. Fait que finalement, tu vas faire des dessins avec cette forme-là sur ton téléphone. Puis tout le monde va compléter ton dessin. Puis ça finit juste par faire des dessins épais. Je laisse votre imagination rouler là-dessus. mais c'est ça. Fait que tu sais, Jackbox Party Pack 4, va falloir que je rejoue encore. Je trouve que c'est le moins fort de la gang. Moi, j'ai eu énormément de fun avec le troisième. J'en ai encore beaucoup. Le deuxième aussi est excellent. Mais le 4, on n'est pas rendu là encore. Sérieusement, là, il va falloir que je rejoue une couple de fois. Mais juste le fait que j'aie passé une soirée avec le jeu puis que j'aie pas compris certains de ces jeux-là, c'est déjà tough. Les jeux sont plus difficiles à expliquer. Même vous l'expliquer ce soir, c'est quand même compliqué. Fait que c'est ça. Celui-là, je dirais, là, si vous avez jamais joué, commencez avec le 2 ou le 3, vous allez avoir bien du fun. Si vous êtes des maniaques de ça, achetez le 4, évidemment, parce qu'il y a quand même des trucs le fun là-dedans. Je pense que à la longue, Survive the Internet puis Bracketeering vont rester ceux qui vont voler la vedette. Fait que c'est ça. De toute façon, si t'es comme moi, t'es à toutes dans ta machine, puis tu vas juste te promener de l'un à l'autre avec tes amis. Donc, c'est ça. Sinon, il y a Simon Parenteau qui m'a demandé ton meilleur Mario et ton meilleur jeu de plateforme ever. Puis aussi, quels sont les jeux que tu attends le plus sur ta Switch? Donc, trois questions. Mon meilleur Mario, c'est Super Mario Bros. 3, évidemment, parce que j'ai commencé avec ça. En fait, c'est le jeu qui m'a fait vraiment comprendre que c'était autre chose, Mario, là, que c'était vraiment impressionnant. Puis c'est vraiment un super bon jeu. Le stage design est écœurant. Le level design est vraiment écœurant. Mais sinon, si on met de côté ce Super Mario Bros. 3-là, parce qu'il y a aussi de la nostalgie qui va avec, admettons-le, il y a Galaxy 2. Moi, Galaxy 2, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Souvent, les gens vont comme choisir Galaxy 1 au lieu de Galaxy 2 parce que les deux sont sortis un peu trop près l'un de l'autre, peut-être. Puis aussi, Galaxy 2 est vraiment un update de Galaxy 1, mais vraiment, c'est juste comme un jeu qui améliore tellement de choses du premier. Fait que je vous le conseille fortement, même si c'est un jeu qui est quand même assez vieux, c'est un jeu qui se tient super bien maintenant. J'espère qu'ils vont le porter pour la Switch parce qu'en fait, ils l'avaient mis pour la Wii U. Puis moi, je l'avais refait, j'avais vraiment trippé. Puis c'est ça, je me suis rappelé aussi aujourd'hui que Galaxy 1, j'ai fait la critique de ça il y a 10 ans à Monsieur Net. Il y a même une preuve de ça sur Internet. Il y a un fan qui avait filmé son écran de télé sur YouTube. Fait que c'est ça. Il y a 10 ans, je critiquais Galaxy 1 à Monsieur Net. Ça me rajeunit pas. Puis sinon, ben meilleur Mario, écoute, Odyssey s'en vient dans gang, d'après moi. Puis Odyssey, en fait, c'est comme Breath of the Wild pour Zelda. Je pense que ça va changer la donne solidement. Sinon, meilleur jeu de plateforme ever, Galaxy 2. Galaxy 2, moi, c'est mon meilleur jeu de plateforme ever. J'ai tellement trippé. Mais sinon, si je vais ailleurs de ça, moi, il y a les Ratchet & Clank. Je suis un gros fan des Ratchet & Clank. Le dernier qui est sorti, qui était basé sur le film, qui est basé sur le jeu, est vraiment malade. C'est vraiment un très bon jeu. Mais sinon aussi, bon, il y a les Jak and Daxter aussi qui étaient très bons. Fait que c'est ça, toutes des très bonnes licences pour le platforming. Puis bizarrement, la Nintendo 64 a eu beaucoup de jeux de platforming 3D. Puis pourtant, c'est tellement pas la meilleure console pour ça. Puis c'était les débuts de tout ça. C'était compliqué, c'était pas évident. Fait que non, je pense qu'on est rendu à une autre place pour le platforming 3D. Puis ça va mieux maintenant. Je trouve que les évidemment, Nintendo sont encore au top. Mais il y a des bonnes choses qui se font sur les autres consoles aussi. Sinon, Odyssey s'en vient là-dedans, évidemment. Puis si on parle de platformer 2D, d'un récent, je trouve vraiment que Rayman est très, très, très, très fort. Rayman Legends est vraiment écœurant. Là. C'est un super bon jeu de plateforme 2D. Puis sinon, d'un jeu de plateforme vraiment hardcore, il y a VVVVVVVVVVVVVV qui est absolument fantastique puis très, très, très, très difficile. Puis je suis un gros fan de Super Meat Boy aussi. Super Meat Boy, en fait, c'est comme le jeu de plateforme là, fois 1000. Là. C'est vraiment, vraiment tête. C'est un super bon gameplay. Ça va vraiment bien. Essayez ça si vous ne l'avez pas essayé. C'est de la bombe. Les jeux que j'attends le plus sur la Switch, présentement, je te dirais que c'est Doom. Puis Xenoblade Chronicles 2. Puis c'est ça, Doom tout simplement parce que j'ai joué rapidement sur les autres consoles, mais c'est un jeu que j'ai pas fini, c'est un jeu que j'ai juste joué en courte session avec des amis, puis that's it. Mais sinon, c'est ça, Xenoblade Chronicles 2, Je l'attends avec impatience. J'ai joué au premier, j'ai vraiment trippé. Puis le deuxième, vraiment, quand j'ai vu le Nintendo Direct, je trouvais que ça faisait grandir la licence comme ça. Pas d'allure, juste les géants. Puis tout ça a l'air absolument écœurant. Puis le jeu look vraiment incroyable. Il y a Michael LaRouche, finalement, qui demandait... comment fais-tu pour jouer à autant de jeux en si peu de temps? En fait, j'ai l'air de jouer à énormément de jeux en si peu de temps, mais c'est juste que je joue tout le temps, en fait. J'ai jamais eu de période où j'ai arrêté de jouer. Puis, en moyenne, je te dirais que je joue à 6 à 8 jeux par mois. Fait que c'est pas si pire que ça. C'est comme 2 jeux par semaine, mais je joue tout le temps à 2 jeux. En alternance, tu sais, je joue jamais à un jeu seulement. Quand je joue à un jeu seulement, c'est que j'ai une critique à finir, puis il faut absolument que je la finisse. Mais sinon, je joue pas mal tout le temps à 2 jeux. Puis sinon, ben c'est ça. Quand je suis en attente quelque part ou quelque chose, j'ai souvent mon Game Boy Micro, comme là présentement, je suis en train de jouer à Super Mario World, que j'ai recommencé. Je l'ai même sur moi présentement dans mes poches. Fait que c'est ça. Mais comment je fais? C'est comme tout le monde, dans le fond. Je travaille pendant le jour, fait que je joue pas pendant le jour. Puis sinon, le soir, ben... Moi, je joue. On écoute des séries, moi puis ma blonde. Puis après ça, souvent, ben, je joue le soir. Puis sinon, avec la Switch et le Remote Play, je joue dans mon lit. Puis je suis bien. Puis Colin, c'est le fun. Mais le Remote Play... C'est pas vargeux. J'aimerais ça que ça soit tellement mieux. Puis c'est pas terrible. Le fait de manquer 2 triggers, là. Ouf, quelle erreur. Fait que c'est ça. Écoute, ça fait déjà 40 minutes que je parle. Merci beaucoup avec tous vos sujets. Vous m'en avez tellement envoyé. Merci énormément. Je m'attendais à faire un autre type de show. Puis finalement, ça a comme dévié vers ça parce qu'il y avait tellement de choses intéressantes à dire. Fait que c'est ça. C'est sur ça que je vais arrêter ce Rétro Nouveau Solo 2. Et puis, ne manquez pas, le prochain épisode, il va y avoir la critique de Pokémon Ultra Sun and Moon. Puis aussi, je vais répondre à la question de Pierre-Alexandre Audet qui disait « Les jeux qui ont passé du 2D à 3D avec succès. » Je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. C'est intéressant de développer là-dessus. Fait que c'est ça, je vais vous en parler au prochain épisode, puis probablement aussi vous préparer un autre petit dossier très spécial. Fait que salut tout le monde, merci beaucoup de me suivre, de m'écouter, et puis on se retrouve à Rétro Nouveau la semaine prochaine. Ciao!